Chapitre 7. Non, ils ne dorment pas, tout tremblant sur ces rocs ils sont assis là-bas. Grès. Rester caché plus longtemps quand de tels bruits retentissent dans la forêt, dit Œil de Faucon, ce serait négliger un avertissement donné pour notre bien. Les jeunes dames peuvent se tenir à l'abri, mais les Mohicans et moi nous allons monter la garde sur le rocher, où je suppose qu'un major des troupes royales aura envie de nous rejoindre. Le cas, dit Cora, est-il donc si pressant? Celui dont le pouvoir produit des choses si étranges et qui les communique à l'homme pour son bénéfice, celui-là seul connaît notre danger. Je me croirais rebelle à sa volonté si je m'enterrais dans une caverne avec de tels avertissements dans l'air. Il n'est pas jusqu'au cœur faible qui passe sa vie à chanter que ce bruit n'est ému et il se dit prêt à marcher au combat. S'il ne s'agissait que de bataille, ce serait chose facile à comprendre et qui s'arrangerait tout de suite. Mais à ce que j'ai ouï dire, quand des cris semblables éclatent entre ciel et terre, ils sont les avant-coureurs d'une autre espèce de guerre. Si nous n'avons à redouter que des hostilités provenant du monde surnaturel, reprit Cora sans se départir de son calme, nous n'avons guère sujet de nous alarmer. Êtes-vous certain que nos ennemis n'aient pas inventé quelque nouveau moyen pour nous frapper de terreur, afin de rendre leur victoire plus facile? Madame, répondit le chasseur d'un ton grave, j'ai prêté l'oreille à tous les bruits de la forêt pendant 30 ans, comme un homme dont la vie ou la mort dépend de la finesse de ses sens. Hurlement plaintif de la panthère, sifflement de l'oiseau moqueur, invention diabolique des mingos, il n'y a rien qui puisse me tromper. J'ai entendu les forêts gémir comme des hommes dans leur affliction. J'ai entendu le vent se démener dans les arbres. J'ai entendu la foudre craquer dans l'air comme le pétillement d'un fagot embrasé pendant qu'il darde des étincelles et des flammes. Et dans tous ces bruits, je n'ai pensé entendre autre chose que le bon plaisir de celui qui se fait un jeu de ses propres créations. Mais ni les Mohicans, ni moi qui suis un blanc sans mélange, nous ne pouvons expliquer le cri qui par deux fois a frappé nos oreilles. Nous croyons en conséquence y voir un signe manifeste pour notre bien. C'est fort extraordinaire ! S'écria Duncan en prenant ses pistolets à l'endroit où il les avait déposés. Que ce soit un présage de paix ou un signal de guerre, il faut en tenir compte. Montrez-moi le chemin, mon ami, et je vous suis. Tous quittèrent alors la caverne, et le passage de l'air concentré de ses retraites à l'atmosphère pure et vivifiante de la rivière rafraîchit leur sang et retrempa leur énergie. La brise du soir agitait la surface des eaux et engouffrait le mugissement de la cataracte dans les profondeurs souterraines, d'où il s'échappait pour aller se perdre avec un fracas de tonnerre sur les montagnes de l'horizon. La lune était levée et plaquait de lueurs argentées le cours supérieur du fleuve, en laissant encore dans l'ombre le sommet du rocher où il se tenait. Excepté le vacarme de la chute et le souffle du vent qui venait parfois agiter l'air, partout régnait le silence de la nuit et de la solitude. En vain, chacun fouillait d'un œil inquiet l'une et l'autre rive, afin d'y surprendre quelque signe de vie qui pût expliquer la nature des sons mystérieux. Déçus par la lumière trompeuse de la lune, ils ne pouvaient découvrir autour d'eux que des rochers nus ou des arbres droits et immobiles. On ne voit ici que le calme et la mélancolie d'une belle soirée, dit Duncan à voix basse. Combien nous plairait dans tout autre moment un pareil tableau et cette admirable solitude. Figurez-vous, Cora, que vous n'avez rien à craindre, et ce qui contribue à augmenter vos terreurs pourrait devenir une source de jouissance. Écoutez, interrompit Alice. La vie était inutile. Le même cri éclata pour la troisième fois. Il semblait sortir du lit de la rivière et, s'échappant de l'enceinte étroite des rochers qui la bordaient, on l'entendait onduler dans la forêt où il allait s'affaiblissant d'écho en écho. « Y a-t-il ici quelqu'un qui puisse donner un nom à semblable prodige ?» demanda Œil de Faucon quand le dernier écho s'éteignit dans les bois. « S'il en est ainsi qu'il parle, quant à moi, je soutiens que cela ne vient pas de terre. »« C'est moi qui vais vous détromper, » dit le major. « Ce bruit, je le connais, car je l'ai entendu sur le champ de bataille et dans des circonstances qui se renouvellent fréquemment dans la vie d'un soldat. C'est l'horrible cri que pousse un cheval à l'agonie. Tantôt la souffrance le lui arrache, tantôt aussi la terreur. En ce moment où mon cheval est la proie des fauves de la forêt, où il se voit en danger sans aucun moyen de s'y soustraire. Je m'étais mépris là-dessus à l'intérieur de la grotte, mais au grand air, je suis sûr de ne pas me tromper. Le chasseur et ses compagnons écoutèrent cette explication toute simple avec l'empressement de gens qui ne demandent pas mieux que de soulager leur esprit de préoccupations pénibles. Les deux sauvages articulèrent leur exclamation habituelle et expressive « Ouf !» lorsque la vérité leur fut démontrée, et Œil de Faucon, après avoir réfléchi un moment, prit sur lui de répondre. « Je n'ai pas d'objection à faire, dit-il, car je me connais peu en chevaux, quoiqu'il n'en manque pas au pays où je suis né. Il est probable que les loups rôdent au-dessus d'eux sur la rive, et les pauvres bêtes affolées appellent le secours de l'homme aussi bien qu'elles peuvent. Uncas, sautez dans le canot et lancez un brandon au milieu de la bande, sans quoi la peur fera ce que les loups ne peuvent faire, et nous nous trouverons sans monture quand nous aurons besoin de détaler au plus vite. » Le jeune Indien était déjà descendu pour exécuter cet ordre. Tout à coup, il s'éleva du bord de longs hurlements qui se prolongèrent au loin, comme si les loups, frappés d'une panique soudaine, abandonnaient d'eux-mêmes leur proie. Uncas, averti d'instinct, remonta sur le champ et prit part à une secrète conférence avec son père et le blanc. « Ce soir, dit ce dernier en se détournant, nous avons été comme des chasseurs qui ont perdu le nord et qui n'ont pas vu le soleil depuis plusieurs jours. À cette heure, nous commençons à entrevoir de quel côté nous diriger, et le sentier où nous marchons n'a plus d'épines. Asseyez-vous à l'ombre du rocher. Elle est plus épaisse que celle que donnent les pins, et attendons ce qu'il plaira au Seigneur de nous envoyer. Parlez tout bas, il serait de même mieux, et peut-être au bout du compte plus sage, que de quelque temps on ne parlât pas du tout. » Le chasseur, sans montrer aucun signe de crainte ou de faiblesse, prononça ces mots d'un ton sérieux et de manière à faire impression sur ses auditeurs. Il était évident que sa défaillance momentanée avait disparu avec l'explication d'un mystère que son expérience personnelle ne lui avait pas permis d'approfondir. Maintenant, bien qu'il sentît tout ce que leur position actuelle avait de périlleux, il était préparé à faire face aux événements avec toute l'énergie de sa forte nature. Ce sentiment parut aussi partagé par les Mohicans, qui se postèrent de façon à surveiller complètement les deux rives sans être découverts eux-mêmes. Dans de telles circonstances, la prudence exigeait de nos voyageurs qu'ils suivissent l'exemple qui leur venait d'une autorité si compétente. Le jeune officier alla chercher dans la caverne quelques brassées de sassafras qu'il plaça dans l'espèce de couloir qui séparait les deux grottes et y fit asseoir les jeunes filles. Après les avoir ainsi mises à l'abri des projectiles entre les hautes parois de pierre et rassurées sur l'imminence d'un danger extérieur, il s'installa assez près d'elles pour pouvoir leur parler sans trop élever la voix. David, imitant les Indiens, se blottit dans une crevasse de manière à ne pas offrir au regard l'aspect disgracieux de sa personne. Plusieurs heures se passèrent sans aucune interruption nouvelle. La lune était arrivée à son zénith et sa douce clarté tombait d'aplomb sur le groupe charmant des deux sœurs endormies paisiblement dans les bras l'une de l'autre. Duncan étendit le grand châle de Cora sur un spectacle qu'il lui était doux de contempler et chercha à son tour un oreiller sur la pierre nue. David commençait à proférer des sons discordants qui, à l'état de veille, auraient offensé son oreille délicate. Enfin tous, à l'exception d'Œil de Faucon et des Mohicans, s'abandonnèrent à un repos dont ils avaient le plus pressant besoin. Mais la vigilance de ces protecteurs infatigables ne céda ni à la fatigue ni au sommeil. Immobiles comme le roc dont ils semblaient faire partie, ils étaient là, promenant sans cesse leurs regards le long de la lisière des bois. Aucun son ne leur échappait. L'examen le plus attentif aurait à peine pu reconnaître s'ils respiraient, excès de précaution, que leur conseillaient les leçons d'une expérience que toute la malice de leurs ennemis ne pouvait mettre en défaut. Leur surveillance s'exerça de la sorte jusqu'à ce qu'enfin la lune disparût à l'horizon et une pâle lueur au sommet des arbres, à l'endroit où la rivière formait un coude, annonça l'approche du jour. Alors, on vit remuer Œil de Faucon pour la première fois. Rampant le long du rocher, il alla tirer Duncan de son profond sommeil. « Voici l'heure de nous mettre en marche !» lui dit-il à voix basse. « Éveillez ces dames et soyez prêts à entrer dans le canot dès que je l'amènerai à la plateforme. »« Avez-vous eu une nuit tranquille ?» dit le major. « Pour moi, je crois que le sommeil l'a emporté sur ma vigilance. » « Tout est calme encore comme à minuit. Du silence et hâtons-nous !» Duncan, qui avait secoué son engourdissement, alla lever le châle qui servait de couverture aux deux beautés endormies. Ce mouvement les éveilla à demi. L'aîné étendit la main comme pour le repousser, et Alice murmura d'une voix douce. « Non, cher père, nous n'étions pas abandonnés. Duncan était avec nous. » « Oui, innocente fille, se dit le jeune homme transporté. Duncan est avec vous, et tant qu'il lui restera un souffle de vie, tant qu'il y aura une ombre de danger, il ne vous quittera pas. » Puis il ajouta à voix haute, « Cora, Alice, éveillez-vous, voici l'heure du départ. » Un cri perçant poussé par la plus jeune des deux sœurs et la vue de l'aînée debout devant lui comme la statue de l'égarement furent l'unique réponse qu'il reçut. Il n'avait pas fini de parler qu'une tempête de hurlements s'éleva qui refoula vers son cœur tout le sang de ses veines. On eût dit que tous les démons de l'enfer déchaînés aux alentours exhalaient en un concert barbare leur sauvage fureur. D'où partaient ces cris ? Il était impossible de le préciser. Ils emplissaient l'étendue de la forêt et semblaient s'échapper des cavernes, de la cataracte, des rochers, du lit de la rivière et même de l'air au-dessus de leur tête. Réveillé en sursaut, David se leva de toute sa hauteur en se bouchant les oreilles. « Quel tintamarre ! » s'écria-t-il. « L'enfer a-t-il ouvert ses portes qu'il soit donné aux humains d'ouïr une telle musique ?» En même temps, une douzaine d'éclairs illuminèrent les deux rives, autant de coups de feu éclatèrent, et l'infortuné maître de chant s'affaissa privé de sentiments à la place où il venait de dormir. Les Mohicans ripostèrent hardiment par leurs cris de guerre aux acclamations farouches que poussèrent leurs ennemis en voyant tomber David. Les détonations devinrent plus vives et plus pressées, mais de part et d'autre, on était trop habile pour s'exposer à découvert. Duncan, persuadé que la fuite était leur unique ressource, attendait avec une fiévreuse impatience que le bruit des armes se fît entendre. Sur le courant rapide, encore plongé dans l'obscurité, le canot n'apparaissait pas. Il n'était pas loin d'accuser le chasseur de les avoir livrés à eux-mêmes lorsqu'une traînée de lumière jaillissant du rocher inférieur et qui fut suivie d'un hurlement terrible, mêlé à un cri d'agonie, annonça que le messager de mort parti de l'arme fatale d'Œil de Faucon avait atteint une victime. À ce léger échec, les assaillants s'éloignèrent au plus vite et peu à peu, tout redevint aussi tranquille qu'avant ce tumulte inattendu. Le major profita de cette accalmie pour transporter le chanteur dans la retraite qui abritait les deux sœurs. Bientôt, la petite troupe fut réunie en cet endroit où l'on était relativement en sûreté. « Le pauvre diable a sauvé sa chevelure !» dit Œil de Faucon en passant froidement la main sur la tête de David. « Mais il offre la preuve qu'un homme peut avoir quelquefois la langue trop longue. » Il y avait une véritable folie à montrer aux sauvages furieux six pieds de chair et de sang sur un rocher nu, et ce qui m'étonne, c'est qu'il s'en soit tiré la vie sauve. « N'est-il pas mort ? » demanda Cora d'une voix entrecoupée qui annonçait en elle une lutte intérieure entre un effroi bien naturel et la fermeté qu'elle affectait. « Pouvons-nous quelque chose pour assister ce malheureux ? » Non, non, la vie n'est pas éteinte encore, et lorsqu'il aura reposé un peu, il reviendra à lui, et n'en sera que plus sage jusqu'à l'heure de sa mort véritable. » Et tout en jetant un regard oblique sur le corps inanimé du chanteur, Œil de Faucon s'occupait de recharger son fusil avec un admirable sang-froid. « Portez-le dans la caverne, Uncas, » ajouta-t-il, « et couchez-le sur le sassafras. Plus long sera son engourdissement, mieux cela vaudra pour lui, car je doute qu'un si grand cadavre puisse trouver sur ces roches un abri convenable, et auprès des Iroquois, il ne lui servirait de rien de chanter. » « Vous croyez donc, » dit Duncan, « qu'ils vont revenir à la charge ? Puis-je croire qu'un loup affamé se contente d'une bouchée ? Ils ont perdu un homme, et leur coutume est de reculer lorsqu'ils éprouvent une perte et échouent dans une surprise. Mais nous les verrons recommencer l'attaque avec de nouveaux artifices pour nous envelopper et se rendre maîtres de nos chevelures. Notre seul espoir, » continua-t-il en relevant la tête, pendant qu'une ombre d'inquiétude passait comme un nuage sur son visage sévère, est de nous maintenir ici jusqu'à ce que Munro nous envoie du secours. Dieu veuille que ce soit bientôt et que le détachement soit commandé par un chef qui connaisse à fond la tactique indienne. « Vous voyez la position où nous sommes, Cora, » dit le major, « et vous savez que nous avons tout à attendre des inquiétudes et de l'expérience de votre père. Descendez donc avec Alice dans la caverne. Vous y serez du moins à l'abri du feu meurtrier de nos ennemis, et vous pourrez prodiguer à notre infortuné camarade les soins qui sont l'apanage de votre sexe. » Les deux sœurs le suivirent dans la grotte extérieure, où David commençait à donner, par ses gémissements, des symptômes de vie. Après avoir recommandé le blessé à leur compatissante attention, il se mit en devoir de les quitter. « Duncan, » dit Cora d'une voix tremblante, qui arrêta les pas du major au moment où il allait franchir l'entrée de la caverne. Il se retourna. Le teint brillant de la jeune fille avait fait place à une pâleur mortelle. Ses lèvres palpitaient d'émotion, et elle lui jeta un regard si expressif et si attendri qu'il revint immédiatement à ses côtés. « Rappelez-vous, Duncan, » poursuivit-elle, « que votre salut est nécessaire au nôtre, qu'un père vous a confié un dépôt sacré. Songez que tout dépend de votre sang-froid et de votre prudence, enfin, » ajouta-t-elle, et en même temps, un vif incarnat colora ses joues et jusqu'à son front. « Songez à combien de titres vous êtes cher à tout ce qui porte le nom de Munro. Si quelque chose pouvait ajouter à mon amour de la vie, » répondit Hayward en laissant errer à son insu ses regards sur les formes charmantes de la silencieuse Alice, « ce serait une assurance comme celle-là. En ma qualité de major des troupes royales, notre hôte vous dira que je dois prendre ma part du combat, mais rassurez-vous, notre tâche sera facile. Elle consiste uniquement à tenir ces misérables chiens en respect pendant quelques heures. » Sans attendre de réponse, il s'arracha de la présence des deux sœurs et alla rejoindre le blanc et ses compagnons, encore abrités dans les trois chemins de communication. « Je vous le répète, Uncas, » disait le premier lorsque Duncan arriva, « vous gaspillez la poudre et le recul du fusil nuit à votre point de mire. Peu de poudre, peu de plomb et un long bras, voilà ce qu'il faut pour arracher à un Mingo son cri de mort. Du moins, c'est l'expérience que j'ai faite de ces créatures. Allons, mes amis, chacun à son poste, car nul ne peut dire ni où ni quand un Maqua frappera son ennemi. » Les Indiens allèrent en silence prendre position dans des crevasses d'où ils dominaient les approches de la cataracte. Au centre de l'îlot, quelques pins courts et rabougris avaient pris racine et formaient une espèce de taillis dans lequel Œil de Faucon s'élança avec la vitesse d'un daim suivi de l'agile Duncan. Ils s'y logèrent tant bien que mal derrière des arbustes et un tas de pierres qui étaient là éparses. Au-dessus d'eux surplombait un rocher nu et arrondi que le fleuve battait à droite et à gauche avant de se précipiter dans les abîmes inférieurs de la manière que nous avons décrite. Comme le jour commençait à paraître, les deux rives n'offraient plus un dessin confus et impénétrable, et la vue pouvait distinguer les objets sous la voûte que formaient les pins et les sapins. Longtemps, ils restèrent à leur poste, sans que l'attaque parût devoir se renouveler. et le major commença à espérer que les sauvages, démoralisés par les effets d'une résistance meurtrière, avaient jugé à propos de battre en retraite. Quand il se hasarda à communiquer cette idée au chasseur, celui-ci secoua la tête d'un air d'incrédulité. « Vous ne connaissez guère la nature d'un maquois, » répondit-il, « en vous imaginant qu'il va tourner les talons sans enlever une seule chevelure. S'il n'était pas 40 à beugler ce matin, il n'y en avait pas un seul, et ils savent trop bien qui nous sommes et en quel petit nombre pour abandonner la chasse de si tôt. Tenez, regardez là-bas dans la rivière, à l'endroit où elle se brise contre les rochers. Que je meure si les enragés n'ont pas eu l'audace de longer la chute à la nage. » Et par malheur pour nous, ils vont atteindre la pointe de l'île. Chut, tenez-vous à l'abri, ou vous aurez le crâne scalpé en un tour de main. » Hayward releva un peu la tête et vit ce qu'il considéra avec raison comme un prodige d'adresse et de témérité. L'action rongeante de l'eau avait usé l'extrémité du rocher de manière à rendre la première chute moins escarpée et moins plongeante qu'il n'arrive d'ordinaire dans les cataractes. Sans autre guide que le bouillonnement de la rivière, à l'endroit où elle rencontre la pointe de l'île, un certain nombre de leurs insatiables ennemis s'étaient aventurés dans le courant et nageaient vers ce point, sachant que, s'ils réussissaient à y prendre pied, ils ne tarderaient pas à atteindre leurs victimes. Au moment où Œil de Faucon cessa de parler, quatre têtes d'hommes émergèrent au-dessus de quelques pièces de bois flottant, arrêtés sur ces roches nues et dont la présence avait probablement suggéré l'idée de cette entreprise téméraire. Bientôt parut un cinquième nageur sur l'extrême bord de la cataracte, mais pas tout à fait dans la direction de l'île. Le sauvage luttait avec effort pour gagner l'endroit où il serait en sûreté. Favorisé par l'eau étincelante, il tendait déjà un bras à l'étreinte de ses compagnons lorsqu'il fut emporté par le tourbillon du courant. On le vit se redresser les bras en l'air et les yeux sortant de leur orbite, puis tomber dans l'abîme béant au-dessus duquel il était suspendu. Un seul cri de désespoir s'éleva du fond du gouffre et domina le sombre mugissement de la cataracte, puis tout rentra dans un silence de mort. Entraîné par un mouvement généreux, Duncan allait s'élancer au secours de l'homme qui périssait, mais il se sentit cloué à sa place par le poignet de l'impassible chasseur. « Voulez-vous attirer sur nous tous une mort infaillible, en indiquant aux Mingos où nous sommes ?» dit Œil de Faucon d'un ton ferme. « C'est une charge de poudre épargnée, et les munitions à cette heure nous sont aussi précieuses que le souffle indien poursuivi. Rafraîchissez l'amorce de vos pistolets, le brouillard de la cascade peut avoir mouillé la poudre, et préparez-vous à combattre corps à corps sitôt que j'aurai fait feu. » À ces mots, il mit un doigt dans sa bouche et fit entendre un sifflement aigu et prolongé auquel on répondit des rochers inférieurs gardés par les Mohicans. Ce signal fit lever la tête aux nageurs qui se cachèrent presque aussitôt derrière les souches flottantes. Un léger bruit attira ensuite l'attention du major. Il se tourna et vit à quelques pas Uncas qui se glissait jusqu'à eux en rampant. Œil de Faucon lui adressa la parole en Delaware, et le jeune chef alla occuper le poste qui lui était assigné avec beaucoup de circonspection et un sang-froid imperturbable. Ce fut pour Hayward un moment d'anxiété insupportable. Néanmoins, le chasseur crut l'occasion propice pour donner une leçon à ses jeunes compagnons sur l'art de manier habilement les armes à feu. « De toutes les armes, » dit-il, « la carabine longue, rayée et bien trempée, est la plus dangereuse entre des mains habiles. Mais pour briller dans toute sa beauté, elle exige un bras vigoureux, un coup d'œil juste et beaucoup de prudence à charger. Les armuriers montrent peu d'intelligence en leur métier lorsqu'ils fabriquent des fusils de chasse et des pistolets qui... » Il fut interrompu par Uncas qui poussa le grondement sourd habituel aux indigènes. « Ouf, ouf !»« Je les vois, mon garçon, je les vois !» continua Œil de Faucon. « Ils se préparent à sauter sur nous, autrement ils ne risqueraient pas leur sale carcasse hors de l'eau. Eh bien qu'ils viennent » ajouta-t-il en examinant la pierre de son fusil. « Le premier qui s'avance aura creusé sa tombe, fût-ce Montcalm en personne !» En ce moment, les bois retentirent de clameurs épouvantables, et à ce signal, quatre sauvages s'élancèrent du milieu des bois flottants qui les abritaient. Hayward, dont la surexcitation était arrivée à son paroxysme, brûlait d'envie de courir à leur rencontre. Le calme de ses compagnons le retint. Les envahisseurs, en poussant des cris féroces, se mirent à gravir l'escarpement des rochers à grandes enjambées. Quand ils furent arrivés à une distance de quelques toises, le chasseur leva lentement sa carabine. Le coup partit, et l'Indien qui marchait le premier bondit comme un daim blessé et fut précipité du haut de la falaise. « Maintenant, Uncas !» s'écria l'adroit tireur en dégainant son coutelas et les yeux étincelants d'ardeur. « Chargez-vous du chat-huant qui est en arrière, nous nous occuperons des deux autres !» Uncas obéit, et il ne resta plus en face que deux adversaires. Le major avait remis un de ses pistolets à œil de faucon. Ils s'élancèrent ensemble le long d'une crevasse en pente et firent feu au même instant, avec aussi peu de succès l'un que l'autre. « Je m'y attendais, je vous le disais bien !» s'écria le chasseur en lançant d'un geste dédaigneux cette arme misérable dans la cataracte. « Avancez, chien de l'enfer! Vous allez avoir affaire à un blanc de pur sang !» Il achevait à peine de parler qu'il se trouva vis-à-vis d'un sauvage d'une taille gigantesque et d'un aspect effroyable. De son côté, Duncan affronta le second dans une lutte corps à corps. Avec une adresse égale, Œil de Faucon et son antagoniste se saisirent par celui de leurs bras qui tenait le fatal couteau. Pendant près d'une minute, ils se mesurèrent des yeux, tout en s'efforçant peu à peu de déployer à leur profit la puissance de leurs muscles. La force nerveuse du blanc finit par l'emporter sur les membres moins exercés de l'Indien. Le bras de celui-ci céda lentement à la vigueur toujours croissante du chasseur qui, s'arrachant d'un coup sec à l'étreinte de son ennemi, lui enfonça jusqu'au cœur l'arme acérée. Hayward avait à soutenir un duel plus hasardeux. Sa légère épée fut brisée au premier choc, et comme c'était son seul moyen de défense, il dut chercher son salut dans sa force physique et sa résolution. Bien qu'il ne manquât d'aucune de ses qualités, il avait affaire à un adversaire qui le valait. Heureusement pour lui, il réussit bientôt à le désarmer. Son coutelas tomba à terre et de ce moment, il s'engagea entre eux une lutte terrible. C'était à qui précipiterait l'autre de cette effrayante hauteur dans les gouffres de la cataracte. Tout nouvel effort les rapprochait de plus en plus de l'abîme et Duncan sentit qu'il fallait absolument vaincre ou périr. Chacun des combattants déploya toute sa vigueur dans une tentative suprême et déjà tous deux chancelaient sur le bord du précipice. L'officier commençait à perdre haleine sous la dure étreinte du sauvage qui le tenait à la gorge. Il voyait sur ses lèvres un rictus féroce qui marquait l'horrible espérance de l'entraîner dans sa chute. Il se sentait succomber à une puissance irrésistible et éprouvait l'agonie d'un pareil moment dans toute son horreur. En cette minute d'extrême danger, l'éclair d'un couteau brilla devant lui. L'Indien lâcha prise. Un flot de sang jaillit des tendons de son poignet qui venait d'être coupé. Et tandis que le bras libérateur d'Uncas ramenait Hayward en arrière, les regards de ce dernier, comme sous l'empire d'un pouvoir magique, restèrent fixés sur les traits convulsés par une fureur déçue de son ennemi, qui roula sans retour au fond des eaux. Œil de Faucon venait au même instant d'en finir avec son adversaire. « Abritons-nous » cria-t-il. « Vite, notre vie en dépend. L'œuvre n'est qu'à moitié faite. » Le jeune Mohican poussa un grand cri de triomphe et nos trois vainqueurs, gravissant de nouveau le rocher d'où ils étaient descendus pour combattre, retournèrent se placer derrière l'abri protecteur des grès et des arbustes.